Ce soir, la neige de l'hiver c'est Noël. Tombe sur le sapin tout vert. C'est Noël. Un enfant, les yeux éblouis, c'est Noël. Regarde brûler les bougies. Sa joie tout d'un coup m'ensorcelle. C'est Noël. Et je deviens le Père Noël. Semant la neige qui est l'heure aux enfants de toutes les couleurs. C'est une neige en grains de riz c'est pour tous les enfants de l'Asie. C'est ma neige est en copeaux d'ivoire pour les pays des enfants noirs. Car si Noël est en été, c'est Noël. Dans la moitié du monde entier, c'est Noël. Je crois que le vent de misère est plus froid que le vent d'hiver. L'enfant regarde dans les bougies, c'est Noël. Alors se retourne et me dit, c'est Noël. À quoi penses-tu mon ami? C'est Noël. Je dis à rien et je souris. Ce soir c'est la paix sur la terre, c'est Noël. Mais par-delà mon cœur se serre. Tandis que la neige d'hiver tombe sur le sapin tout vert.